Cinquième partie, chapitre 2 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Cinquième partie, chapitre 2. Considération sur le bienfait de Dieu qui nous a appelés à son service et conformément à la protestation que l'on en a faite en la première partie. Petit 1. Considérez les articles de votre protestation. Le premier est d'avoir détesté, quitté et renoncé pour jamais à tout péché mortel. Le second est d'avoir consacré votre âme et votre corps avec toute leur puissance et leur faculté à l'amour et au service de Dieu. Et le troisième est que si vous faisiez quelque chute, vous vous en releviez soudainement. Toutes ces résolutions ne sont-elles pas louables, justes et généreuses? Pensez donc combien cette protestation est raisonnable, sainte et aimable. Petit 2. Considérez à qui vous avez fait cette protestation. C'est à Dieu. Si les paroles que nous donnons aux hommes avec une sage délibération nous obligent indispensablement, combien plus celles que nous avons données à Dieu? Ah, Seigneur, disait David, c'est à vous que mon cœur l'a dit. Mon cœur a formé une bonne résolution. Jamais je ne l'oublierai. Petit 3. Considérez en présence de qui vous avez protesté de servir Dieu. Ça a été devant toute la cour céleste. Hélas, la Sainte Vierge, Saint Joseph, votre bon ange, Saint Louis, toute cette bénite troupe de saints et de saintes vous regardait avec un amour singulier au pied du Sauveur à qui vous consacriez votre cœur. L'on fit alors pour vous une fête d'allégresse dans la Jérusalem céleste. Et maintenant, on en célébrera la mémoire, si vous voulez bien renouveler cette consécration. Petit 4. Considérez les moyens que vous eûtes pour vous aider à prendre ce parti. Hélas, que la conduite de Dieu sur vous fût douce et miséricordieuse en ce temps-là. Dites-le sincèrement, le Saint-Esprit ne fit-il pas sentir tous ses attraits à votre cœur? Dieu ne vous attira-t-il pas à lui avec les liens de son amour pour vous conduire parmi les orages du siècle au port du salut? Oh, combien vous faisait-il goûter les délicieuses douceurs de sa grâce dans les sacrements, dans la lecture, dans l'oraison? Hélas, Philothée, vous dormiez, et Dieu veillait sur vous avec des pensées de paix et d'amour. Petit 5. Considérez en quel temps Dieu vous attira à lui. Ce fut à la fleur de votre âge. Ah, quel bonheur d'apprendre si tôt ce que nous ne pouvons savoir que trop tard. Saint Augustin, ne s'étant converti qu'à 30 ans, s'écriait « Ô ancienne beauté, comment vous ai-je connu si tard? Hélas, vous étiez présente à mes yeux et je ne vous regardais pas. » Or, vous pourriez dire, « Ô douceur ancienne, pourquoi ne vous ai-je pas goûté plus tôt ?» Hélas, Philothée, vous ne le méritiez pas en ces premiers temps. Ainsi, reconnaissant la bonté et la grâce de Dieu qui vous a attiré à lui dès votre jeunesse, dites avec David, « Ô mon Dieu, vous avez éclairé mon esprit et touché mon cœur dès ma jeunesse. Je le publierai éternellement à la louange de votre miséricorde. » Que si vous n'avez eu ce bonheur que dans votre vieillesse, hélas, Philothée, quelle grâce qu'après un si méchant usage des années précédentes, Dieu ait arrêté le cours de votre misère avant la mort, qui l'eût rendue éternelle. Petit 6. Considérez les effets de cette vocation. Vous trouverez, ce me semble, d'heureux changements en vous si vous comparez ce que vous êtes avec ce que vous étiez. Ne comptez-vous pas pour beaucoup de savoir parler à Dieu par l'oraison, d'avoir de l'inclination à l'aimer, d'avoir calmé beaucoup de passions qui vous inquiétaient, d'avoir évité plusieurs péchés et embarras de conscience, et d'avoir tant de fois uni votre âme par la communion à la source inépuisable des biens éternels? Ah, que ces grâces sont grandes! Il faut, Philothée, les peser au poids du sanctuaire. C'est la main droite de Dieu qui a fait tout cela. La main de mon Dieu, infiniment bonne, disait David, a opéré ce prodige. Sa main droite m'a relevé de ma chute. Ah, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai de bouche et de cœur, et par toutes mes œuvres, les merveilles de sa bonté. Après ces considérations qui sont pleines de bonnes affections, il faut simplement conclure par une action de grâce et par une fervente prière, pour en demander à Dieu l'effet tout entier. Et puis, vous retirant avec beaucoup d'humilité et de confiance, vous remettrez les fortes résolutions que vous avez à prendre après le second point de cet exercice. Fin du chapitre 2, cinquième partie.